M'attendait à voir des choses, la fermière et son jeune amant. Et m'attendait à voir des choses, la fermière et son jeune amant. Mais la surprise fut réussie, ce n'est point eux qui firent ces bruits. La fermière et son jeune amant n'étaient alors point dans mon champ. La fermière et son jeune amant n'étaient alors point dans mon champ. Certes que je vis du volage, mais pour autant bien innocent. N'étaient alors point dans mon champ, c'était plutôt trois garnements. N'étaient alors point dans mon champ, c'était plutôt trois garnements. Dont le jouet prend les feuillages, dont se fourrait là dans mon champ. C'était plutôt trois garnements que j'ai alors contemplé. C'était plutôt trois garnements que j'ai alors contemplé. Mon mufle les a bien fait rire lorsque je les fis sursauter. Que j'ai alors contemplé et suis retourné ruminer. Que j'ai alors contemplé et suis retourné ruminer. Un peu de gaieté dans la tête pour passer le reste de la journée. Ça irait mieux si j'ouvrais le micro pour parler. Donc je disais 6 auditeurs en direct, mais personne encore sur le chat. Donc vous allez en haut à gauche sur le site, vous cliquez sur la... non pas en, sur l'autruche, en dessous il y a une petite radio, et encore en dessous il y a un lien, planning de la radio, vous cliquez là-dessus. Et vous cliquez ensuite sur la page qui vient, sur le bouton accès au chat en Java pour pouvoir participer un petit peu à l'émission par écrit. On va rester dans la musique avec 3 Pieces of Belgian Meu au Kofferdam du Meu belge. La musique world, j'ai mis ça dans world parce qu'il faut voir les choses, je ratisse très large mes genres, pour pouvoir en fait expliquer avant qu'on ait téléchargé l'émission, pour tout ce qui est BitTorrent ou ce qui est Eudonkey, donc ce qui va se passer, ce que l'on va trouver dedans. Donc, 3 pièces de Meu belge, ça nous date du 10 mars 2007, ça fait plus de 2 ans que c'est là, sous licence GNU, GPL, GNU Art, et que ça attend de se faire diffuser. Oh, Can you can only be so sipelins and you for the copper hell the pell you for me on your phone C'était Meux avec ses trois pièces de Belle Diane Meux. Et bon, ben, ce qui s'est passé encore, qu'est-ce qui s'est passé dans le coin autre alors, bon, il s'ouvre quand il veut. Hop. Pourquoi est-ce que mon bloc-notes me désobéit? Ah, bon, ben, j'ai petit ennui technique, je n'arrive pas à ouvrir. Ah, ben, voilà, quand même. C'était donc la septième fois que le Tour de France passait à Colmar. Puisque, bon, je ne connais pas par cœur l'historique, donc il me fallait absolument mon texte devant, parce que, franchement, c'est le genre de choses que j'ai tendance à ne pas trop suivre, le Tour de France. On se demande pourquoi. Donc la première fois que le Tour de France est arrivé à Colmar, c'était André Le Duc qui était après 200 km du départ à Belfort. Donc c'était le 19 juillet 1931 et c'était l'année même où la caravane publicitaire, syllabe qui compte, a été rajoutée, ce qui n'était déjà pas nécessaire pour que ce soit un truc de maso sur les bords. Donc cet André Le Duc a gagné en 1930 et puis en 1932, mais pas en 1931, donc Colmar ne lui a pas porté chance. La deuxième fois qu'une étape est arrivée à Colmar, ben là ils venaient tous de Lausanne, et c'est Raphaël Gimignani qui est arrivé le premier le 22 juillet 1949. Le 11 juillet 1955, ainsi que le 3 juillet 1957 d'ailleurs, donc la troisième et quatrième fois, ben là c'est un type du coin, quelqu'un du coin qui est arrivé en premier et puis donc à deux reprises. Alors il serait resté à la maison, il serait arrivé avant tous les autres sans être complètement crevé. Donc là c'est vraiment un truc de maso, mais en plus c'est en plus pour abandonner sur des étapes par la suite. Donc un colmarien, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave, de toute façon, pour ce à quoi ça sert. En 1997, c'était un Fribourg-Colmar où Nils Steffen a franchi la ligne le premier, un Australien. Donc venir d'Australie de si loin, juste pour traverser un espace compris entre une bande de peinture en dessous et puis un machin, une espèce de gros tissu en plastique, une grosse bâche en plastique avec la publicité au-dessus. Bon voilà, ça sert juste à ça, à part à exposer éventuellement des marques de maillots à la télé. Mais enfin bon, c'est pas la peine de se crever le cul à pédaler comme un fou sur 200 km si c'est pour afficher des marques. Ils arrivent aussi à l'afficher directement sur les écrans sans passer par les masos. L'avant-dernière fois, ça a été le tour à Laurent Jalabert de franchir donc ce plan situé entre cette ligne de peinture et la bâche de plastique en 2001. Et donc avec des marques, des trucs qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le vélo, des barres chocolatées, des banques, des supermarchés. Et puis alors trois quarts d'heure après l'arrivée, un type a foncé sur la foule en voiture parce qu'une voix céleste lui aurait dit d'aller embrasser Jalabert. Et bon, effectivement, comme moyen, c'est un petit peu trop leste. Il entend une voix qui surgit de nulle part, sans pouvoir en expliquer l'origine rationnellement, et il obéit. Alors, c'est comme si maintenant je faisais des productions musicales parce que j'entends un acouphène, et que donc, ça vient, comme je ne sais pas d'où ça vient, c'est forcément céleste. Quoique certaines de mes productions musicales pourraient le faire penser, non, ce n'est pas des acouphènes. Alors un journal affirme que c'était sans conséquences graves, mais enfin bon, une prothèse de la hanche à la place d'une vraie hanche, je dirais que c'est pas sans conséquences graves pour tout le monde, à moins qu'une octogénaire, ça ne compterait pas. Donc dans le même genre, récemment, il y a une voiture qui a foncé sur les cyclistes du Tour de Calédonie, et puis un autre exploit, façon de parler, identique, lors d'une fête de village à Bervillers, quoi, ils ont foncé sur la foule. Bon, alors franchement, on doit être entouré de tarés dans le coin, il y a comme une maladie contagieuse là. Donc cette année, à défaut de voiture bélier, par contre, c'est à la carabine que les coureurs ont été accueillis. Donc certains tiennent apparemment à maintenir la réputation de Colmar. Certains auraient besoin qu'on leur mette un peu de plomb dans la cervelle, mais évidemment au sens figuré, par une méthode moins contestable. Donc l'étape a néanmoins été remportée haut les mains par Heinrich Hausler, qui a été élu Mister Mazo de la journée, et donc qui, le samedi, est reparti avec le maillot rouge ad hoc. Il risquait donc de devoir subir un assaut d'un taureau énervé par la couleur, des fois que l'accueil mouvementé soit une maladie contagieuse, qui passerait non seulement les barrières de sécurité, mais aussi celles des espèces. Pour ce qui est des contrôles antidopage, d'ailleurs, les coureurs ne présentent pas un taux d'hormones et de médicaments supérieur à celui d'un bœuf d'élevage américain. Donc là, et puis sinon, il y avait une journée sans oreillettes qui aurait dû se dérouler, et finalement, elle s'est déroulée avec. Il y a eu quand même des oreillettes. Donc les coureurs du Tour de France sont comme tout le monde, ils ne savent pas se passer d'un téléphone portable. Alors bon, à quoi ça sert les oreillettes ? Sans les oreillettes, les coureurs n'obéissaient qu'à leurs propres pulsions, et ces pulsions les obligeaient à souffrir, donc ça relève du masochisme. Avec les oreillettes, là ils continuent à chercher leur plaisir dans la souffrance, mais c'est un sadique qui leur donne les ordres, donc là on passe à un autre stade, c'est le sadomasochisme. Alors faudra juste surveiller que ça ne tourne pas au sadisme, où le maso est remplacé par une personne qui ne souhaite pas ce type de relation, mais je crois que malheureusement c'est déjà fait dans d'autres professions. Et finalement, ils auraient mieux fait d'interdire Je pense que ça aurait été une sage décision d'interdire l'oreillette sur cette étape, puisque justement, c'est parce que le type qui avait foncé sur la foule en 2001, c'est parce qu'il avait entendu des voix. Donc sans oreillette, il ne les aurait peut-être pas entendues. À défaut d'une voiture qui fonce sur la foule en 2009, on a eu droit à une moto qui fonce sur les spectateurs, à moins que ce ne soit l'inverse. Décidément, ce Tour de France, y a plus de faits divers que de courses, ça donne pas envie de regarder. On va faire passer non pas de la musique libre cette fois-ci, mais un conte libre avec Véronique Pedrero. Où j'ai rangé ça? Véronique Pedrero et l'arbre aux deux branches. Obtenir des informations, c'est sous licence art libre d'ailleurs, et c'est le net label Poussière d'Histoire. L'arbre de branche, un conte de 2006. Il y avait une colline. En haut de cette colline, un arbre. Un arbre couvert de fruits. En bas, dans la vallée, un village. Les gens du village mouraient de faim. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne montaient pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne prenaient pas les fruits qu'il y avait sur cet arbre tout en haut de la colline ? L'histoire raconte que l'arbre avait deux branches, deux énormes branches. Sur chacune des branches, des fruits, oui. Mais on disait aussi que si les fruits se ressemblaient, ils n'étaient pas les mêmes. Certains étaient les fruits de la vie, d'autres les fruits de la mort, et rien ne les distinguait les uns des autres. Au village, dans la vallée, tout le monde mourait, les gens les uns après les autres. Puis il y a eu cet homme. Tous les jours, il se penche au-dessus du berceau de son enfant, et tous les jours, il le voit dépérir. Les couleurs s'en vont des joues de son enfant. Son visage n'a plus d'expression. Alors un matin, alors que tout le village est endormi, il regarde une dernière fois son enfant en se penchant au-dessus de son berceau. Et puis, il prend le chemin. Il monte, là-haut, sur la colline. Tout le monde dort, personne ne s'aperçoit de quoi que ce soit. Quand il arrive tout en haut, il regarde en bas, vers la vallée. Puis son regard se porte sur les branches de l'arbre. Rien de différent entre les fruits de la vie et les fruits de la mort. Il ferme les yeux. Derrière ses paupières, il y a le visage de son enfant, blême. Plus de couleur sur ses joues. Il ferme les yeux fort, pense encore plus fort à son enfant, tend la main. Il saisit un fruit et le porte à ses lèvres. Dans sa bouche, Le jus coule, léger, suave, onctueux, sucré. Il sourit. Le jus coule jusque dans son ventre et il sent le bien-être l'envahir tout entier. Il sourit. Il rit même tout seul en haut de cette colline. Puis il ouvre les yeux. Il sait quelle est la bonne branche. Il saisit tous les fruits qu'il y a dessus, met ça dans un grand sac, ce sac sur son épaule, et il redescend dans la vallée vers le village. Devant chacune des portes, il pose un de ses fruits de la vie et il rentre chez lui. Son enfant bientôt aura de nouveau des couleurs sur ses joues. Et puis le temps passe. À partir de ce moment-là, plus personne ne manque de rien dans ce village, dans cette histoire. Et puis le temps passe. Mais de temps à autre, les hommes se retrouvent et ils pensent. Un jour, les enfants vont monter là-haut sur la colline. Un jour, ils vont regarder l'arbre. Un jour, ils auront faim. Mais comment est-ce qu'ils vont savoir? Nous, peut-être, mais eux. Un matin, tandis que tout le monde est endormi au village, ils s'en vont dans le petit jour. Sur leurs épaules, une hache. Ils empruntent le chemin qui grimpe sur la colline. Arrivés tout en haut, ils s'arrêtent en dessous de l'arbre. Et puis, se retournant vers le village, leur décision étant prise, ils frappent fort sur la branche qui porte les fruits de la mort. Une fois le geste accompli, ils prennent le chemin en sens inverse et ils rentrent chez eux. Ils ferment la porte de leur logis. Ils ne se retournent pas. Là-haut, au-dessus du village, il y a une colline. Sur cette colline, il y avait, oui, le souvenir d'un arbre. Car au moment où ils se sont retournés, où ils sont rentrés chez eux, sans regarder derrière eux, la branche qui supportait les fruits de la vie est tombée, pourrie de l'intérieur. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Sans l'ombre, que serait la lumière? Sans la nuit, que serait le jour? La porte de cette histoire s'est refermée sur ma mémoire. À l'instant, donc, c'était le conte de Véronique Pedrero, l'arbre aux deux branches sous licence art libre, que vous pouvez trouver sur Dogmazic. Et on revient à la musique world, ce que j'en suis, la danse de Benjamin par Stéphane Roger. Danse de Benjamin ou de Benjamin, quoi. Ça sonne israélite, quoi. C'est sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Il est où? Il est là. Thank you. donc j'ai à nouveau, ben ça y est, j'ai comblé le retard et je peux passer nouveau beaucoup plus de musique avec, ben toujours, on reste dans la music world, où est-ce que je me suis, là j'ai vraiment trop de trucs ouverts en même temps, avec maintenant les inédits tziganes, pas Zinedine Zidane, mais les inédits tziganes. Donc le premier de leurs titres, les trois titres que je compte passer sont sortis de l'opus 1 et les trois titres en question d'ailleurs sont sous licence art libre. Donc le premier d'entre eux s'appelle Avkosko. Donc c'est une œuvre qui est sous licence art libre, ce qui veut dire, donc je rappelle, qu'on peut diffuser cette œuvre sous certaines conditions. On peut la diffuser telle qu'elle ou modifiée. On peut la diffuser y compris dans un cadre commercial, mais tout ceci doit se faire sous licence art libre. Donc morceau qui est autoproduit, ça date de novembre 2007 et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le trouver avant. We'll be right back. Avkosko par les inédits Tziganes et autre titre de cet opus 1, et il s'agit encore d'un traditionnel, donc il ne s'agit pas d'une composition mais c'est un chant traditionnel Tzigane. Et dans les deux, d'ailleurs, Avkosko, c'est déjà le cas. Imate Livino, c'est un autre titre, toujours sous licence art libre. Et puis, ben, ça a été mis en ligne, en fait, le 2 novembre 2007 pour tout cet opus 1, donc pour tout cet album. Imateli vino, imateli vino, imateli ruino vino, daite gonanas. Ruino li etova, ruino iline, stom se vincat ruino vino, daite gonanas. Ruino li etova, ruino iline. Imateli pari, imateli pari, imateli edri pari, daite ginanas. Edri lise tige, edri iline, stom se mi cat edri pari, daite ginanas. Edri lise tige, edri iline, stom se mi cat edri pari. Imateli momi, imateli momi, ai, imateli mladi momi, daite ginanas. Mladi li se tige, mladi iline, stom se mi kat mladi momi, daite ginanas. Mladi li se tige, mladi iline, stom se mi kat mladi momi, daite ginanas. Eila! Imateli stari babi, dreste gizavas. Stari li se tige, stari iline. Štom se mi kad stari babi, dreste gizavas. Stari li se tige, stari iline. Štom se mi kad stari babi, dreste gizavas. Ej da! Ej, dobre vino! Hodila! Thank you. Oui, alors ça, c'était un accident, puisqu'en fait, j'ai ouvert le site web des inédits tziganes et la musique part toute seule. Ça, c'est pas... Bon, tant pis, hein, on va faire avec. Hein. Ces sites web, là, quand vous avez de la musique dans l'illustration, ce serait bien qu'on puisse choisir que la musique ne parte que sur demande. C'est franchement pas pratique lorsqu'il s'agit de faire de la radio. Donc c'est la deuxième partie de cette émission, sous licence Creative Commons by NCND 2.0, mais par contre les licences restent valables pour les musiques telles qu'elles étaient indiquées à l'origine. Et donc ce direct live from the Elsass du 19 juillet 2009, on passe donc à la troisième partie. Avec en générique Spoutnik Lassachem. Spoutnik Lassachem, lui, est sous licence art libre et ça fait partie de la rubrique triturer, mélanger, servir, toujours candidat pour être remixé.